Les caravanes de Scaramouche d'Emmanuel Gonzalez. Chapitre 1er. L'érudition biographique est fort négligée en France. Aussi beaucoup de savants ignorent-ils que Tiberio Fiorelli, ce comédien devenu si célèbre sous le nom grotesque de Scaramouche, mérita d'être estimé comme un infatigable voyageur. Je dois cette découverte au plus français des Germains, Henri Heine, l'auteur de Reisebilder ou Tableau de voyage, qui m'engagea à lire et à méditer un livre fort curieux intitulé « Mémoire de Scaramouche », colligé et mis en ordre par Angelo Constantini, dit Mezzettin. J'étais fort jeune alors et plein d'enthousiasme pour la littérature difficile à lire préconisée par M. Désiré Nisard. Je négligeais donc les ouvrages légers de Saint-Simon, du Père Enfantin, d'Auguste Comte et du Bon Fourier, inventeur de la papillonne, pour approfondir les arcanes picaresques de la vie de Tiberio, ce pilier vivant de la comédie italienne. Le capitaine Cook lui-même me paraissait un voyageur incomplet et peu diligent si on le comparait à l'illustre Bouffon. Mon ami le docteur Cornelius essaya vainement de me faire comprendre que le besoin de changer de place qui constitue le voyageur sérieux pouvait être attribué chez mon héros plutôt à l'effet des circonstances qu'à celui d'une vocation réelle. Il ajouta même, avec une ironie peu mesurée, que pour lui, Scaramouche était tout simplement un vagabond, un aventurier, un bohème du grand siècle. Je n'acceptais pas cette appréciation partiale, et je me plus à rechercher dans les récits ingénus de l'histrion une esquisse des mœurs italiennes du temps. Dire que Scaramouche conçut de bonne heure le goût des voyages ne serait pas chose exacte, mais il en comprit aisément la nécessité, et voici pourquoi. Son père, capitaine de cavalerie, qui résidait dans la bonne ville de Naples, devint veuf et voulut donner pour seconde mère à ses deux enfants, Trapolin et Tiberio, une jeune cousine qui faisait les délices de Capoue. Pour accomplir cette bonne action, il fallait obtenir des dispenses, que l'évêque refusa d'accorder. Fiorelli était certes le plus pacifique, le plus courtois et le plus obséquieux des capitaines quand on ne le contraria pas, mais il dégainait avec une facilité extraordinaire s'il supposait seulement qu'on eût l'intention de le regarder de travers. Il se plaignit donc du procédé, avec une politesse inconnue même dans les cours, au frère du prélat. Le seigneur haussa peut-être involontairement les épaules, et plus prompt que l'éclair, le capitaine, oubliant de réfléchir, lui traversa le corps de son épée. Notre veuf s'empressa de se soustraire, par une retraite digne d'avoir Xénophon pour historien, aux rigueurs de la justice, et courut le pays. Mais les ressources lui manquèrent bientôt, car selon l'expression du spirituel Mezzettin, il n'y avait plus de charge que celle de ses deux enfants. Or, le jeune Tiberio était un véritable enfant prodigue au point de vue de l'appétit. Son insatiable gloutonnerie s'était révélée dès le berceau. Le lait de deux nourrices suffisait à peine à sa pitance journalière. Force fut donc au capitaine de réduire son fils cadet à la ration, et si l'on considère que le Napolitain expatrié n'avait trouvé à exercer pour vivre que la profession de charlatan, bien moins florissante à cette époque qu'aujourd'hui, on comprendra aisément pourquoi Scaramouche fut contraint de demander à l'industrie ce que lui refusait la parcimonie paternelle. Il embrassa la carrière de marchand d'Orvietan, mais il jugea inutile de chercher un bailleur de fonds. Trouvant au logis du capitaine des boîtes de Mithridate toutes préparées, il se les appropriait sans scrupule, ce qui lui permit de vendre 15 sols, ce qui en valait 30. Il se fut même montré plus accommodant aux besoins, tant il entendait le commerce d'une façon libérale. Aussi la clientèle ne fit-elle pas défaut à ce jeune libre-échangiste, et Scaramouche put obtenir la confiance du boulanger et du cabaretier jusqu'à l'indiscrétion. Seulement, plus il était laborieux et ouvrait de nouveaux débouchés à son négoce, plus il devait renouveler ses provisions d'Orvietan. Le bonhomme Fiorelli ne tarda pas à remarquer un déficit dans ses drogues, peu justifié par le débit. Nul doute qu'il ne fut volé. Il se tint aux aguets et mit bientôt la main sur le délinquant. Tiberio, comblé de malédictions avec accompagnement de bastonnades, fut jeté à la porte du logis paternel dans la direction de Rome. Il put aspirer à plein poumon l'air de la liberté, mais son estomac étant aussi vide que sa bourse, il commença à s'inquiéter de l'avenir. L'année 1626 allait finir, et le printemps prochain devait être le 19e de l'existence de Scaramouche.